nur de silo hin à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver hin à Brezhoneg. Vous êtes bien sûr KB pour Hentar Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Gariou Arvué, l'émission 401, Père en une âme. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Ben oui, voilà, on est parti sur la cinquième centaine. Et donc, 401. Alors, on va voir un mot qu'on entend assez souvent, c'est Traun. Mm-hmm. Traun, donc T-R-A-O-N tilde. D'accord. Et donc, quand on a le tilde sur la machine à écrire ou sur l'ordinateur, parce que on l'a pas tout le temps, mais ça fait rien, ça se comprend bien, même s'il n'y a pas le tilde. Donc, Traun qui désigne le bas. Hein. Donc ça vient d'un vieux mot breton qui était tnou, T-N-O-U, qui est resté presque sous la même forme en gallois et qui a beaucoup évolué en breton pour donner Traun. Alors donc, ça a le sens de bas, de bas-fond, de vallée. Hein. Ouais. Et on trouve ça assez souvent dans les noms de lieux. Par exemple, Traundur, hein, tout de suite, on pense à ça, hein, Angela Duval, Traundur. Ouais. Et on trouve des Traundur ailleurs, mais bon, chez Angela Duval, c'était Traundur, hein, qui existe toujours d'ailleurs, mais voilà. Et alors ça, c'est sous la forme vraiment intacte, mais on trouve souvent des formes en trop aussi, hein. Alors, par exemple, dans la forme maintenue aussi, ou modifiée un petit peu, il y a Tronjoli. D'accord. Tronjoli, par exemple, à Bulat. Hein. Alors, on pense que c'est dû à l'arbre, hein, le Tronjoli, le joli tronc. Mais en fait, c'est une vallée. Hein. C'est une vallée d'un petit ruisseau qui s'appelle Joli. Je crois qu'on t'a déjà entendu expliquer ça, oui, dans oui, un film dont tu faisais le sujet. Voilà, j'ai expliqué ça un jour in situ. Sur l'arbre, c'était assez curieux. Ce jour-là, il y avait plein de grimpeurs dans l'arbre. C'était voilà. Et donc Traun. Hein. Et on trouve ça, par exemple, à Troblaves, hein, mm-hmm. pas loin d'ici. Hein, donc vallée du Blavet, hein, Troblaves. Il y a Trozulon aussi, mm-hmm. hein, au bord du Sulon, hein, qui est un affluent du Blavet, qui se jette dans le Blavet à Sainte-Tréfine. Il y a le Trotrieux aussi, hein, à Guingamp. Donc voilà, on va trouver cette forme modifiée un petit peu partout. Alors la forme complète, donc c'est un Traun, donc c'est un mot masculin, et qu'on trouve assez souvent comme ça, qui a un pluriel, Traunyu. Voilà. Alors, ça a donné aussi, enfin, un mot de la même famille, qui est Traunyen. Traunyen, qui est la vallée, hein. Alors comme c'est féminin, donc avec l'article il y a une mutation, un Draunien. Mm-hmm. Hein, dans les cantiques on parlait un Draunienement d'Héro, cette vallée de larmes, pour désigner l'habitant où on est sur la terre, quoi. Hein. Un Draunienement d'Héro, ça se dit en français aussi. Hein. Voilà. Et il y a aussi même ce qui pourrait être le contenu de la vallée, un Draunienat. Hein. Donc toujours un mot féminin. Hein. Alors il y a quelques mots un peu voisins, par exemple un andraun, c'est le contrebas, hein, voilà, un andraun, le contrebas par rapport à un point plus haut, par exemple, hein. Un diadraun aussi, qui a à peu près le même sens, hein, la partie inférieure de quelque chose. Alors dans les habitations, on disait, ça se dit un peu moins maintenant parce que les habitations sont plus tout à fait faites de la même façon, on disait trawenti. Hein. Trawenti, c'est... Non, Trawenti, c'est le bas de la pièce du bas, parce qu'il y avait, dans les maisons autrefois, il y avait en principe deux pièces. Hein. Mm-hmm. La grande pièce où on reçoit les gens, qui est où il y a la cheminée. Et puis, Trawenti, c'était la pièce un peu moins bien rangée, où les gens qui viennent dans la maison ne vont pas. Hein, donc, Traulenti, et où on stocke différentes choses. Voilà. Des fois, il y a un lit aussi, une armoire. Bon, mais c'est moins soigné que le. C'est la pièce de vie, quoi. Que la pièce du haut. La pièce du haut, c'est la pièce de vie. Traulenti, c'est un endroit où on va moins, et puis où les étrangers à la maison ne pénètrent pas. Alors, dans le pays ficelle, on dit Lostenti aussi. Lostenti. Alors bien sûr, les maisons sont plus tout à fait agencées comme ça maintenant. Donc le mot a tendance à ne plus être employé. Alors Traun On trouve à trouver, par exemple, aussi Trauner Rose, hein, le bas de du coteau. Hein. Pentraun, Pentraun, c'est le bout du bas. Pentraun d'Anguille, par exemple, hein, le bas du lit. Hein. Voilà. Pencraer, c'est le haut du lit. Mm. Voilà. Pentraun. Bon, autrement, bien sûr, des expressions comme mon noir drone, hein, aller vers le bas, hein, mon noir drone. Même parfois, on dit disken den drone, hein, descendre vers le bas. Hein, on ne craint pas la redondance en breton. C'est pas un pléonasme, hein, c'est une façon de s'exprimer. Hein. On va trouver aussi, par exemple, Parkdentrong dans les microtoponymies. Hein, dans la microtoponymie, le champ d'en bas, hein, ou Pradetrong. Hein, c'est souvent les prés qui sont dans les bas-fonds. Mm-hmm. Hein, voilà. Traunleon aussi, hein, le bas-léon. Alors là, je laisse aux auditeurs le soin de déterminer où est le bas-léon, parce que quand on est dans le léon, on n'arrive jamais à savoir et où ça commence et où ça finit, quoi. Voilà. Alors oui, j'ai dit disken den drone, hein, donc descendre, descendre. Hein. Alors Aveldraun, c'est le vent du bas. Alors c'est en général le sud, mais parfois le sud-ouest. Hein. Aveldraun, Navelsudraun, hein. Le vent est en bas. Ça veut dire qu'il vient du sud ou du sud du sud-ouest. Et puis c'est aussi d'après Martial Ménard, c'est aussi une forme familière de dire le paix, hein, le vent du bas, quoi. Aveldraun, ouais. Voilà. Et alors c'est aussi Duntraun, hein. Duntraun, ça veut dire à bas ceci, à bas cela. C'est un slogan qu'on peut utiliser dans les manifs, par exemple, hein, où il s'agit toujours d'abattre quelque chose, quoi. Eh ben on va s'arrêter sur ce slogan vigoureux, Duntraun. Merci Henri, on passe à la deuxième partie de l'émission, Brezhoneg temps matin. Alors on part à faire un petit tour à Zantolek et là bah, y a de l'animation parce que Yuan est en train de préparer pour le cidre. Voilà, Yuan est en train de faire le cidre, hein, comme d'habitude, hein, donc on va le voir chaque année. Donc, Yuan, c'est Yuan Danteg, hein, qui habite à Kerizel, hein, et qui est marchand de cidre de son état, hein, qui est marchand artisanal, quoi. Ouais. Et Chornik va à sa rencontre. Voilà. Salut, Yuan, penons mon compte. Matré, Chornik, matré. Kroger de Borchistre. Ya, Bouedir, Pemzeuk Tesso, ou un Krog de Zeria, allo. Gwelleré de Bernard, allo, oise. Là, Bourzo. Avalo de Zantolek, in tout. Ya, de Zantolek, peu de Splouderien. Quand tu veux arrêter la valo. Oh, quand une famille n'est que résiliée, peut dire un mécanique zère un dernier vu en de ce nalo. Quand pèse à valo, veut gré l'archiste. Quand à l'eau douce, à l'eau rare, à gré l'eau trinq, rédicat dans hempuis, et vide au beurre gismat. Mais, plaire-moi, pressour. Ah, bah ça va, du rasé. De te faire, Chornik. Et Chornik, bien sûr, elle va aller voir, puisqu'elle va, elle est curieuse. On aura ça la prochaine fois. Voilà. On va reprendre donc le dialogue, phrase à phrase, pour que tout le monde puisse bien le comprendre. Salut Yuan, penosement compte. Demande oui, Chornik. Bonjour Yuan, comment ça va? Matré Chornik, matré. Matré, il est content. Kroger d'aubergiste. Voilà, alors Kroger, hein, d'aubergiste, vous avez commencé à faire du cidre. Alors en breton, hein, c'est Kregin, hein, Krogin, hein, c'est... accroché dedans, hein. Donc voilà, vous avez commencé à faire du cidre. Kroger d'aubergiste. Il y a un Chornik, Bouedder. Oui, Chornik, depuis hier. Pemzeuk Tesso, om krog de Zerin en Navarro. Voilà, alors on retrouve la même forme, hein. Pemzeuk Tesso, hein, depuis 15 jours, om krog, nous avions commencé, krog de Zer Yavarlo, à ramasser des pommes. Alors, les pommes, hein, donc le mot aval, hein, qui est un très vieux mot, hein, qu'on trouve... un vieux mot celtique qu'on trouve en anglais aussi, hein, apple, ou en anglais, en allemand, apfel, hein, apfel. Alors, on trouve tout ça, et c'est un mot, donc, en breton, le pluriel, c'est avalo, hein, Marie m'emmène avalo, hein, la chanson, par exemple, hein, quand on a besoin d'un pied supplémentaire, mais nous, on dit avalo, hein, on coupe un petit peu dans le coin ici, quoi. Mais avalo est très bien compris aussi, hein. Gouellerie d'Herbert Naval, oisé. Ya. Là, à Bourzeau. Voilà. Vous voyez le tas de pommes, là, hein. Là, à Bourzeau, il y a du travail. À Valo de Zantole, qu'une toute, demande Chanik. Ce sont toutes des pommes de Zantole, hein, et demande un peu l'appellation d'origine. Oui. Ya, de Zantole, qu'à de Spouderien, répond Iwan. Oui, de Zantole et de Spouderien. Et de Poudérien. Donc, Poudérien, c'est de l'autre côté du Blavet. Hein. Mais les pommes sont bonnes quand même. Quand Pio veut de Malo. Alors, avec qui sont ramassées les pommes? Donc, qui ramasse les pommes? Gandpi ou Vézère à Denavar, là, ouais. Gandor Formi. Gandor Formi, avec la, par la famille, hein, voilà. Nekerezie, Spéguir, en mécanique, à Zer, en. Darnvuon. En Darnvuon, de Zanavar, là. Voilà. Nekerezie, c'est pas trop difficile. Plus dur, en mécanique, parce que, hein, Pioguir, hein, nous, on dit plus dur, hein. Heure mécanique, la machine, hein. Zer en darn vu en zenal. La machine ramasse, hein, la plupart des pommes, en darn vu en, la majorité des pommes. Donc il reste juste à ramasser celles qui sont pas attrapées par comment la machine. Comment ça marche, ces machines-là? Ça les secoue les arbres, non? Ah non, ça c'est un autre système. Ça c'est pour faire tomber. Non, là ici c'est simplement, c'est une machine avec des doigts en caoutchouc qui ramasse les pommes. Bon, elle arrive pas à les ramasser toutes, hein. Ouais. Enfin, en gros, quand même. Il y a ça à Zantole, quoi. Ah, il y a ça à Zantole, oui. Oh, bah oui, oui, oh, bah, oui. Ah, oui. Quand Pesseur à Valo, Végré d'Argistre. Ah, oui, alors, avec quelle pomme, quand Pesseur à Valo, Végré d'Argistre, avec quelle pomme on fait le cidre, hein? Alors, il m'en répond. Quand à Valo, douce, à Valo, rouer, à Gavalo, trinque. Voilà. Ah, donc, avec des pommes douces, hein, donc des pommes sucrées qui vont donner beaucoup d'alcool, hein. Parce que c'est l'alcool qui conserve le cidre, hein, comme toutes les boissons fermentées. Avalouer, donc des pommes amères, hein, qui donnent cette, donc qui ont riches en tanins, qui vont donner cette amertume, hein, caractéristique. Agavalutrink, alors les avalutrink, c'est des pommes acides, qu'on appelle un peu, ouais, trink, c'est un peu difficile. Il y a que ceux qui en ont mangé dans leur jeunesse qui peuvent vraiment définir ça, quoi. Mais nous, on voit très bien ce que c'est, quoi. C'est pas bon. Hein, croquer, c'est pas bon. Ah, faut aimer, quoi. Faut être un peu habitué, quoi. Voilà. Redekaut, rampouez, vidorber, schistmat. Alors, il faut obtenir il faut avoir un équilibre pour faire du bon cidre. Oui, pour revenir aux alotrinks, c'est ça qui donne la fraîcheur du cidre. C'est le côté des altérants. Le côté des altérants. Voilà. Alotrink. Voilà. Qui laisse le palais un peu sec, là. Voilà. Oh. Mais, plairement, pressour. Mais où est le pressoir? Bah, ça va dur, asé. De tavelle à Chanik. Oui, dans le bâtiment, là. Hein, mais venez voir Chanik. Ouais. Et donc, ils vont aller voir le pressoir. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Ça, c'est pour la prochaine fois. Bon. Allez, on passe tout de suite à Petra Zonévé Arvo. Troisième partie d'émission, Petra Zonévé Arvo Eri. Ah, calze drogue, zo neve Arvo, boerve, je dis vous en. Krogum ne dient en vel kis a custum gant ala bourdouar hager vu e war armez. Ayon bremañ ba kreiz un disk ar amzor pe vola ar amat hag bon chomme de klou ar an amzor bet a bremañ setu da skoer e beze ar an mat ur maiz, hein, pe dur oa bra an amzor hag bon un traouz o tramen an mat. Me hendel war dachen la bourdouar zo kal ze gudenou ur ma ar emañ, hein. Da skouer gant ur stali ou evel gad aze, hein, zo bern kuden ou pudur ve kasse de mort lar ou ba broio wel hag dis vid un tilaz an gad ba lampol ki milio aval tre en trao. Bon, spi meus ma trezen vo kav un disklum beneket kom zo ve de ze, me an eke zur vo kav un disklum vin miro de stal lar an mor. Bon, kalz eureuz zo ur mar emañ gant war an ech oa gant tamm pe bler gant un taï zo c'hant de nekotax. Hag zezo an dra zo ez uzoar, putur an nekotax oa bet ijinet gant un emvod vije c'hant zo be c'hant de grenelle de l'environnement, hein, grenelle un endro, hag vote de bet ba amzer Sarkozy, a hat kemer a doa ler ba amzer Franche Hollande, c'est tu halfen nen jonjal et watun du de du ag vraiment de ce que moyen de garde politique urbain ag zo du gan un tax braisement ag gouskou des cases des arrêts de vote ne vote pas ou abekish ne vote évident un taise. C'est une drogue au 20 soir en temps. Bon, Guelvo pis sa mode vos con mais de zoé du soir grave en et ben dans quoi quand cal je dû de wagne dû de j'entends tout. Bon, tramel dit vraiment voir you hein voir vula dag voir dirien nag a zo be cal je dise ga cal je dut. Bon, vous gel ou mur voir you plus you voir plus di rois à voir l'arion gos. Bon, rien de rien de ce voir l'arion gos ou de no misere no de misere ag voir plus di ou de nei mis du. Bon, mais je me avoir vu là d'avoir dit rien là. À quel je dû devais autant de voir use. Voir d'achen heure politique est vraiment. Croguer un trou de virvi un temps vraiment. Voir d'achen leur vote à dégoût. Puis dire, ma mise meurs, vos grèves vote à dégoût vide par rouge. Ag bon, croguer un trou de virvi d'asqueur, boulevrier, ag Yannick Botrel, Neslard, Wak de Honde Radroy. Bon, l'air elle, moi, y'a hot à son temps de velpé sa mode, rayo novel. Bon, tant ma temps, vous gouelez-y. Alors, vigement, non, que de gomscar, cas l'art de l'économie, c'est plus dur, zo cas de drogue, wardache et nos événadions. Hunter quand vlasso, bah, miséré, ouais, de, non, non, Edith Piaf, organer, zawa brude, un changement de mes deux un dix, puis ouais, mar Edith Piaf, puis dur un dix, justement, ou un tram en direguisi, ag, ouais, on ne ba, zé, ouais, ba Paris, ouais, on ne ba tu de beau de daz, on trop à tu de mames, à moi goul, ou ante pète, ouais, ag, ou à la rétine, ben, ouais, mar Edith Piaf, ag, on dit, ouais, et non, direguenti, ag, ouais, l'air me sclève de virion, et ouais, que mar ba Paris, mais ouais, bédigasset, ou à Marbe à Reisté ou à Bendigassen. Asé à l'Arde ou à Marbe à Paris. Ag, bon, de Hulse, moi, c'est glan, hein, mais, jongement, m'est-ce que c'est. Ag, péwanyo, jusement, vigé con de Auberne, quand on a ouin ou Edith Piaf, d'asqueur, puis vigé honneur de Penec, vigé d'Hermode, au nom, ben, de une famille, puis de une mignonne, au camp, on drap Penec de Edith Piaf. Ag, j'onge meus ma meus o vich ban o neuret, ou a ve don din, ag gant e la vie en rose en brez an deuk. Ni oa tro e de la vie en rose, pe on gant ar me mestreuz, on ramne ket dis, quoi, moi kalt ze bras pontus. Oa ranket, me meus ke j'onge pi oa na pe a pe sa euret, ma trezen zo nan benek, o chilo han on ma oa feze, gant pi oa be tro e de brez an deuk la vie en rose, quoi. Mais de Huls, bon, ils veulent juste, hein, et dit, tiens, voix brude, hein, on tombe péblère, quoi. Bon, puis on compte de ce qu'on a win ou de son eras, tramène des vraiment, alors, Gwell vide, très grand de la RKB, avec Milardard et Becker, entre eux. Bon, de Diane Tantou, de voix Igora dure un disco et ça de Fotoyou, avec ce Fotoyou Kers, ou Begredard, et grand podium, le Gret, hein. Ag bon zé oa ba un disco eza de gus oa belaket ba un ti pe bazan lenge roat ba tiar grist ba prespital ma peswan prespital kos ag bon a rezo bezel de zo fotoyo oa oa un dune gonte ag oa l'air zo bet diskour yo gant politik kour yo gant bon gant yann pire de redel de jantan ag gant politik kourien a tud vel lena louarn hag eus o bet kall ze gomp chou flour vise quoi. Tout du loa kont an benefin oel RKB neus pa deja pe pa tregont la. Pe zo oa keus ur de dian tan tout pe oa bet krouet. A oa l'er zi zo bet d'or pe zo ar Iventus de tro e di war Shakespeare quand Sylvain Botrel a gemar Hélène Morvan de Stro et de Dior Shakespeare comédie une mille luches à wa fentustré a résolbi plus jeune dans Milardard à royet quand Stro la calac a zézobé de gual rau bonne de walerna han wa de zadon wa fesdi a fesdonz hein hag bon a rezo be de klev de kalz gant erien a zon erien a oa tregond la trede. On an yom an gant an an koz, quoi. Hag bon ze zo be de trouz oezu zo be d'un vel da skoer Henri Morvan au kant an gant alandrouz bon Henri Morvan n'in ket la custume de gant o gant tudel a ze zo se oa bra ou tre, quoi. Hag a ze zo be de kalz oblija dur un bon. A oa l'er na an an de oa l'er oa un arve cinéma bakal hag de zul hag en an oa l'un chou gez al c'hoaz hag an se tram de mod tout an trou. Bon. War da chen un ze vena dur hag de a bla yo ve der mod an an mod breiz. Bon, de a bla ur fals. Ur fals o... Ur gevridigez a oa be krouet de... Ba, mil no han tri a tregon gant Yann Zoyer. Yann Zoyer oa o meskol oa ket de ze vro l'erve kom ze brezon nuk, hein, me disk oa be d'an brezon le gantan. A oa meskol ba plou rivo hag neus pezvelan plou rivo in galag. Hein. Hag ni oa krog de zis ki brezon nuk d'ur vugal e baskol. O nan deus ur etian tan oa gretze. Hag bon, j'y oaz maroa abre d'un Jean Soyer, a setu oa rog brezel oa mar, oa l'er brezel e be razavet ur strolad ur valz gant tud vel Charles Egal hag André Mercer. André Mercer zo hant mod ba vro, putur e ben meskol pa pel ba gronvel, a neus begret kalz dra viz e venadur ur vro. Bet en rol et pladen ou o bern trou, skrivet kan oen ou bon vid ur vugal e baskol, hag ebe radlan se dis ur fals, hag ur fals neus begret kalz staj ou oa l'er brezel un staj ou l'er vije kalz dut, o tis ki brezonek petan mant tientor o kaz o brezonek warog, hein, peut-il, tout a war brezonek déjà, hag roaz vegred, hein, stage ou grand ur vals, pe dur blanc ma oa ur stage ba karez. Hein. Bon, setu de a bla laouen, ive de strolad ur vals. Hendel, bon, kalze draou zo de l'arde ba vro, ba marme, kalze gente liou brezon ur vegred, bon, gweler an an tambe pebler, hein, zo ba zan Nicolas, zo ba kalak, zo ba rostren, an tan me pebler veget kentil ou brezonek, mais an zo tro pemmil dud, du deud, hein, otis ki brezonek, dre kentil ou non, dis, a ze zon dra vat. Pe ve komse de zo brezonek, an dra el, oaz, an dra fentu zo bet an de el, ba, kamb un deputeet, pe kamb Jacobin, ma peson, Paul Molag, a ze zo depute de ze Morbihan, de Ploermel, hag en deus gret ur brezegen, vid de war bep sort trou, hag vid e chui de skomp ze brezonek. Hag Marc Le Fur, oa kaz an den trou en desse, bagam, hag en deus respond dan in brezonek. Hag bon ze zo zoez uzoar, hag bon brezonek zelta, ba kamp Jacobine, ma vije bet de... Rewan, pe sa vod Emil Combe, az an ije, bet huche, da, a lak de symbol, de, dro de houk, velvi je gret d'ur vugal e gojel bas kol. Med, bon, remen an kebet ur symbol de ze velan, hein. Bon, hendel, bon, trou pli juzo, a trou dis pli juz, hein, trou dris so ive, hein, un DL oa et un anan de Jean-Pierre Elien, on din guinig de ce boulevriag a zo gwalhan oa gwalhanava de vel just ba gwengam pe dur oa president ur gwell zan loup an eus bet bon oa bet meskerin eus bet krou et bag ad gwengam an eus bet gret kalz a draou vid ze vena dur ur vro hag zo et en an an bon oa ke gwal go os oas me gout ur am oa klan setu vraiment bon Jean-Pierre Elien zo et en an an. Vira d'an oaz war zevena dur ar film hir zo begret ne vezo war au film hier in Brezhoneg, so hangle Landvras, gleve pesi. Hag bon zo ur film ka Alice ve gret film au ber, mais hem zo film hier au long métrage, vel fel ar, la vo disque d'un dud ba zali ou ur vro. Hag bon zez on dravad, gwell en hawa ve gret beb sort traoù gant ur Brezhoneg. Puis on compte ce studio de Zevro, on dit na zo han avet mat ba vro et Jeff Philippe pe Jeff Vulu ba ve fait l'art d'une braison a gezo be han ve de ndl ba il is ve en zambrie gezo be han quand dans notre moutel zo escop zambrie à l'andriga zo be han ve avieler pétant man vigelard de velard in gala velard diacre les autres noms de au guerre grécienne Villard or Gervige. Hag setu bon Jeff Vulum na han labour o endro de parouz boulvriak hag bon vo gwell ar oaz bon kalze draou neus begret vid zevenad ur breiz deja hag bon kendel ar a ganze hag an de religion an evel just peudur bremañ man mesk un dud in karg de ze religion na. Bon, Hendel, Bavroz, au roi, un DL, ou à B de Igor, ou à un ton de bras, il est très mal, gars, au B de Had Stume, de un Dol, au B Had Gret, ou à Igor, ou à un ton de bras, gant un Descop, enfin, DVGB d'Igor, et Bélefi, Norvège, gant Barus, de Gwenner, ou à l'air, gant un Descop de Zul. Ah, c'est bon, zo bit kalz e dud ba tre mal, gad hag en dud oa kontant gwell dvo hat digor de un ilis vid ober o verenou, me vid ar trawel ar vecht ou zon a degou a bob sort traou. Diskouez a degou ma trezen, gwan. Bon, setu mem gant un tamp tro bavro, hag ben vechel vo gren hoaz.